Cependant, on s'arrêta. Des hommes et des femmes se tenaient debout devant les portières avec des lanternes à la main. On arrivait. Jeanne, subitement réveillée, sauta bien vite. Père et Rosalie, éclairés par un fermier, portèrent presque la baronne, tout à fait exténuée, geignant de détresse et répétant sans cesse, d'une petite voix expirante, « Ah, mon Dieu, mes pauvres enfants !» Elle ne voulut rien boire, rien manger, se coucha et tout aussitôt dormit. Jeanne et le baron soupèrent en tête à tête. Ils souriaient en se regardant, se prenaient les mains à travers la table, et, saisis tous deux d'une joie enfantine, ils se mirent à visiter le manoir réparé. C'était une de ces hautes et vastes demeures normandes, tenant de la ferme et du château, bâtie en pierre blanche devenue grise, et spacieuse, à loger une race. Un immense vestibule séparait en deux la maison et la traversait de part en part, ouvrant ses grandes portes sur les deux faces. Un double escalier semblait enjamber cette entrée, laissant vide le centre et joignant au premier ses deux montées à la façon d'un pont. Au rez-de-chaussée, à droite, on entrait dans le salon, démesuré, tendu de tapisseries à feuillage où se promenaient des oiseaux. Tout le meuble, en tapisserie au petit point, n'était que l'illustration des fables de La Fontaine. Et Jeanne eut un tressaillement de plaisir en retrouvant une chaise qu'elle avait aimée, étant tout enfant, et qui représentait l'histoire du renard et de la cigogne. À côté du salon s'ouvrait la bibliothèque, pleine de livres anciens, et deux autres pièces inutilisées. À gauche, la salle à manger, en boiserie neuve, la lingerie, l'office, la cuisine et un petit appartement contenant une baignoire. Un corridor coupait en long tout le premier étage. Les 10 portes des 10 chambres s'alignaient sur cette allée. Tout au fond, à droite, était l'appartement de Jeanne. Ils y entrèrent. Le baron venait de le faire remettre à neuf, ayant employé simplement des tentures et des meubles restés sans usage dans les greniers. Des tapisseries, d'origine flamande et très vieilles, peuplaient ce lieu de personnages singuliers. Mais, en apercevant son lit, la jeune fille poussa des cris de joie. Aux quatre coins, 4 grands oiseaux de chêne, tout noirs et luisants de cire, portaient la couche et paraissaient en être les gardiens. Les côtés représentaient de larges guirlandes de fleurs et de fruits sculptés, et 4 colonnes, finement cannelées, que terminaient des chapiteaux corinthiens, soulevaient une corniche de roses et d'amours enroulés. Il se dressait, monumental, et tout gracieux cependant, malgré la sévérité du bois bruni par le temps. Le couvre-pied et la tenture du ciel de lit scintillaient comme deux firmaments. Ils étaient faits d'une soie antique d'un bleu foncé, qu'étoilait par places de grandes fleurs de lys brodées en or. Quand elle l'eut bien admiré, Jeanne, élevant sa lumière, examina les tapisseries pour en comprendre le sujet. Un jeune seigneur et une jeune dame, habillés en vert, en rouge et en jaune, de la façon la plus étrange, causaient sous un arbre bleu où mûrissaient des fruits blancs. Un gros lapin de même couleur broutait un peu d'herbe grise. Juste au-dessus des personnages, dans un lointain de convention, on apercevait 5 petites maisons rondes aux toits aigus. Et là-haut, presque dans le ciel, un moulin à vent, tout rouge. De grands ramages, figurant des fleurs, circulaient dans tout cela. Les 2 autres panneaux ressemblaient beaucoup au premier, sauf qu'on voyait sortir des maisons 4 petits bonshommes vêtus à la façon des flamands et qui levaient les bras au ciel en signe d'étonnement et de colère extrême. Mais la dernière tenture représentait un drame. Près du lapin, qui broutait toujours, le jeune homme étendu semblait mort. La jeune dame, le regardant, se perçait le sein d'une épée, et les fruits de l'arbre étaient devenus noirs. Jeanne renonçait à comprendre quand elle découvrit dans un coin une bestiole microscopique que le lapin, s'il eût vécu, aurait pu manger comme un brin d'herbe. Et cependant, c'était un lion. Alors, elle reconnut les malheurs de Pyram et de Thisbé. Et, quoiqu'elle sourit de la simplicité des dessins, elle se sentit heureuse d'être enfermée dans cette aventure d'amour qui parlerait sans cesse à sa pensée des espoirs chéris et ferait planer, chaque nuit, sur son sommeil, cette tendresse antique et légendaire. Tout le reste du mobilier unissait les styles les plus divers. C'étaient ces meubles que chaque génération laisse dans la famille et qui font des anciennes maisons des sortes de musées où tout se mêle. Une commode Louis XIV, superbe, cuirassée de cuivres éclatants, était flanquée de deux fauteuils Louis XV, encore vêtus de leur soie à bouquet. Un secrétaire en bois de rose faisait face à la cheminée qui présentait, sous un globe rond, une pendule de l'Empire. C'était une ruche de bronze, suspendue par quatre colonnes de marbre au-dessus d'un jardin de fleurs dorées. Un mince balancier, sortant de la ruche par une fente allongée, promenait éternellement sur ce parterre une petite abeille aux ailes d'émail. Le cadran était en faïence peinte et encadré dans le flanc de la ruche. Elle se mit à sonner 11 heures. Le baron embrassa sa fille et se retira chez lui.